fascine autant qu'elle me dérange. Je frissonne, poignardée par le bourg. C'est comme dans la main le couteau. La blessure traverse mon cœur et j'ai la joie dans la douleur. Je m'enivre de ce poison. De souffrir, succombe au charme d'un tel âme. C'est le bien qui fait mal.